Historica Fabula. En 121 avant Jésus-Christ, Rome, puissante cité d'Italie, étend son territoire au long de la Méditerranée jusqu'en Gaule, au-delà des Alpes. Rome a d'abord été appelée à l'aide par une cité grecque alliée, Marseille, en conflit alors avec les tribus celtes, et les Romains s'empressent de traverser les Alpes et de venir en aide à leurs alliés. Et après une campagne militaire, ils annexent toute la région le long de la Méditerranée pour être sûrs que les Marseillais soient bien entourés d'amis, créant au passage la province de Gaule transalpine. Une fois cette campagne interrompue, les Romains vont rapidement instaurer leur autorité en imposant leur magistrature et en créant des colonies. Ils vont aussi ériger des monuments à leur gloire, et pour ne pas avoir l'air pingre, des infrastructures d'utilité collective. Ils commencent en 118 avant Jésus-Christ la construction d'une route reliant Rome à la province, la Via Domitienne. En ce temps-là, il existait déjà un peu partout divers chemins tracés par le flux de voyageurs et de commerçants, liant les diverses cités libres en Gaule. Dans la nouvelle province, ce modeste réseau, le général Domitius Aeno Barbus, l'instigateur de la voie, non seulement se l'accapare et le concrétise, mais l'améliore et le solidifie. Il est élu proconsul par le peuple romain, qui est une sorte d'administrateur dié à certaines provinces spécifiques. Il a donc les mains libres pour mettre en œuvre les travaux. Le trajet de la voie relie non seulement Rome et ses légions à la province gauloise, mais aussi à l'Hispanie, que Rome est déjà allé protéger contre sa grande rivale de l'époque, la cité de Carthage. Ces deux provinces, qui se trouvent fort heureusement l'une à côté de l'autre, maintenant reliées, favorisent le passage de voyageurs et de marchands en provenance de Rome ou à destination de Rome. Et sur leur chemin, les Romains vont en profiter pour relier des cités réduites en colonies les unes aux autres, mais aussi créer de nouvelles villes idéalement placées telles que Aix-en-Provence ou Narbonne. Cette dernière prospérera tellement qu'elle finira par donner son nom à la province qu'on appellera Gaule Narbonnaise. Cette politique fera naître une véritable agglomération capable d'accueillir les légions romaines, mais aussi d'assurer l'entretien de la route permettant aux habitants des cités et aux colons d'importer des denrées de Rome et d'exporter de nombreuses richesses. Bientôt, la nouvelle route de Gaule va relier les anciennes voies en Italie et en Espagne, créant ainsi un vaste réseau routier reliant Rome à tous ses protégés. Aussi, grâce à cette route, les légions romaines peuvent facilement se mouvoir d'un territoire à un autre et intervenir rapidement en cas de menaces frontalières ou de troubles intérieurs. Mais surtout, Rome peut maintenant facilement échanger avec les différents peuples de son vaste empire, liés dans un solide réseau terrestre et naval. Au final, plus qu'un aménagement, bientôt la voie domitienne va façonner la province et en faire un réseau de colonies importantes. Rome étendra bientôt ce réseau quand près de 70 ans plus tard, en 58 avant Jésus-Christ, le proconsul de la Gaule Narbonnaise Caius Julius César sera appelé à l'aide par ses alliés gaulois.